Section 85 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 16, 4e partie, Gengis Khan et l'Empire mongol, suite, par Léon Kaoun. Préparatif de la guerre de Chine. Il suffit de jeter les yeux sur une carte pour comprendre qu'en 1207, une attaque directe sur les points vitaux de l'Empire d'Or, c'est-à-dire sur la Mandchourie et sur Pékin, était impossible, venant de Karakorum, du Haut-Okhon, avec deux ennemis irréconciliables comme Guglush et Toktabegi sur son flanc, installés dans la pentapole du Prélou, avec les tribus insoumises ou mal ralliées, flottantes et douteuses, toujours suspectes, qui tenait le pays entre la Pentapole et l'Irtiche, Temujin ne pouvait rien risquer au loin, dans la direction de l'Est. Mais au Sud, la jeune nation mongole pouvait tenter une entreprise de risque médiocre, de succès presque certain, de gloire retentissante et de hautes conséquences. Avec cela, l'inappréciable avantage par le seul fait qu'on tentait l'aventure de rassurer les Qin, de les endormir, car c'était un ennemi à eux qu'on attaquerait, et de faire des avances aux Song, car en poussant dans la direction du sud, on pouvait leur expliquer qu'on rompait la barrière qui les séparait des Turcs. En attaquant l'empire de Ya, le pays actuel des Tangout, à l'ouest du grand coude du fleuve jaune, le Tchingis Khan gardait ses communications militaires, couvrait ses routes diplomatiques, n'inquiétait personne, inspirait confiance et espoir à tout le monde. Cet empire de Ya était un cauchemar pour ses voisins. Ce n'était pas, à proprement parler, un empire réglé, mais une république de bandits et brigands, le refugium peccatorum de tous les chenapans. Bandouliers, tibétains, sauvages des hauts plateaux, grandes compagnies turques, contrebandiers et hors-la-loi chinois, en bonne amitié réglée avec une furieuse jacquerie déchaînée en Chine à ce moment, celle des habits rouges. Tout le monde étant d'accord pour être débarrassé des gens de Ya, le Tchingis se chargea de l'exécution, au grand repos des Qin, au grand espoir des Song, sûr d'ailleurs pour son compte, quand il serait maître du terrain entre le fleuve jaune et l'hexapole du Nanglu, de tenir une splendide position stratégique sur le flanc des uns et des autres. En 1206, il commença la guerre. En 1207, il enleva Ouya, dans la province chinoise de Kansu, une bonne ville, que les Chinois appelaient Wulahai, d'autres Irgai et Grigaya. L'année suivante, il était assez assuré de ce côté pour frapper le coup décisif du côté du nord, saisir, enfin, cette route si longtemps convoitée qui le mettrait en communication avec le Pentapole du Prélou, avec ses chers amis les Oïghours. Guchlug et Toktabegi sentaient venir le coup. Les deux expéditions contre les gens de Ya, vers le sud, ne leur avaient pas donné le change. Ils jouèrent leur dernière carte dans l'est, prirent héroïquement l'offensive dans la Pentapole, 1208-1209. Ils furent battus sur une rivière que les chroniqueurs musulmans appelle Djem, la rivière d'Imil, probablement près de Tchougoutchak. Chassé de la Pentapole par la défection de Barchouk, roi des Oïghours du Nord, Guchlug s'enfuit en Anlou, dans l'Hexapole, ulcéré, emportant la haine de ses Oïghours, musulmans et chrétiens, tous félons. La princesse, sa femme, l'ardente bouddhiste, acheva de lui mettre la rage au cœur. C'est alors, disent les chroniqueurs musulmans, qu'il fit pendre devant la cathédrale de Kashgar, le mufti de l'islam est crucifié devant la mosquée, l'évêque du Christ. C'était donné beau jeu au Tchingis Khan, modérateur entre tous les cultes. Du coup, tout le clergé nestorien de l'Hexapole et d'Al-Malik, toute l'église musulmane de l'Est furent avec lui. Par ses conquêtes dans le pays de Ya, maître des routes qui conduisaient au Tibet, il tenait déjà les bouddhistes. L'indoctable Tokka Begi ne voulut rien entendre. Jamukha mort, Guchlug en fuite, lui seul bataillait dans le nord. Il fallait en finir. Le Tchingis Khan mit à ses trousses le jeune Subutai, donnant ainsi un brevet d'infaillibilité à ce général de 23 ans. L'étonnant gamin serra de si près l'ennemi national de son maître qu'il l'accula sur l'Irtiche, le battit et le tua. 1209. Le nord était définitivement conquis, la Sibérie et la Grande Lande soumises, la puissance militaire et territoriale des Mongols solidement assise. Conquête de la Chine du Nord. Maintenant, enfin, Temujin était libre du côté de la Chine. La mort de l'empereur du Nord, Xuanzong, le dégageait de son serment militaire et féodal. Jamais ce méticuleux observateur des formes et des règles n'eût osé rompre avec un prince avec lequel il était lié par des engagements personnels, ayant mis ses reîtres à son service. À son successeur, il n'était plus lié. Ce nouvel empereur, Qin, 1208, prenait modestement le titre de roi, Wei Shao Wang. Il était d'une haute stature, avait une barbe superbe, un cœur foncièrement modéré et désintéressé, peu soucieux des ornements et des peintures. Il envoya une lettre officielle au Khan des Mongols, Temujin, pour lui annoncer qu'il avait succédé au trône d'Aisin. Temujin demanda à l'envoyé d'Aisin qui était le nouveau roi. L'ambassadeur répondit « C'est Wei Wang ». Temujin, se retournant, cracha et dit « Un imbécile comme Wei est-il digne du trône? Un Temujin doit-il lui rendre hommage ?» Ce disant, il leur tomba le dos et monta à cheval. Le Tchingis Khan avait froidement prémédité son coup. La provocation brutale qu'il adressait à l'empereur de l'enceinte d'or trahit l'impatience, la hâte fiévreuse d'en venir aux mains, car elle est hors de ses allures habituelles. Qu'il se soit emporté ou qu'il ait joué la comédie, toujours est-il que l'empereur inflexible tenait à brusquer les choses. Quelle que fût la puissance de dissimulation de Temujin, il fallait que l'empereur d'or fût vraiment un imbécile, comme il l'appelait, pour ne pas s'apercevoir de ses préparatifs. Le lendemain du jour où l'empereur inflexible insultait l'empereur d'or, toutes les calamités fondirent ensemble sur l'enceinte dorée. Les brigands de Ya passèrent le grand fleuve, se jetèrent sur le Kansu et le Shensi, les nationaux chinois franchirent les rivières Ohai et Yan et entrèrent en Ho'an. Les Jacques en habit rouge surgirent de toutes parts. À l'extrême est, les Turcs Léao se levèrent en masse. Au nord, l'armée mongole, prête, équipée, dressée, marcha droit sur la grande muraille, devant laquelle l'attendaient les traîtres gardes-frontières, les Turcs Ongut, les Turcs et Tatars Kongrad. Le Tchingis Khan marchait de sa personne avec le gros des troupes, commandé par son conseil militaire Mukuli. Djebe et Subutai menaient l'avant-garde. Dans cette jeune armée turque et mongole, trempée par tant de guerres de détails et de chicanes, lancée pour la première fois en une expédition d'ensemble, avide de voir la grande guerre, l'enthousiasme faisait battre tous les cœurs. Le Tchingis Khan, vrai manieur d'homme, si jamais il en fut, leur avait donné une conscience, une passion. Dans ses têtes obscures, il avait allumé comme un flambeau l'idée de patrie, de nation. C'est Abul Ghazi qui nous donne le mieux l'impression de son discours en son simple turc. Ensuite, il réunit l'assemblée des seigneurs mongols en un certain lieu et leur dit « Les empereurs de Chine, savoir ceux d'or, à mes ancêtres, à mes parents ont fait tant de maux. À présent, le Dieu Très-Haut m'assure la victoire, en ce royaume de Chine, de revendiquer sur la personne de ses empereurs d'or le droit de mes ancêtres, de mes parents. Il me donne l'occasion, le pouvoir. Les parents, c'était la nation turque. Tous ceux de l'Est, Kitaï, Oïghour, Karluk, Kungrad, Mangout et Ongout, Keraït et Naïman, Oirad et Torgout, tous ensemble, tous les descendants d'Oghuz Khan, tous les enfants du loup gris, tous les échappés de l'Erkenekoun, coururent à la suite du Genghis Khan, pour venger sur l'ennemi national, sur le Mandchou, les maux que les Chinois avaient faits à leurs ancêtres, aux Yongnu de jadis. Du côté des Qing, rien n'était prêt. Le pauvre empereur à barbe superbe, le noble et bel imbécile, fut pris au dépourvu, laissant ses généraux sans ordre, ses troupes dispersées en cordon, en face des Mongols concentrés et d'un capitaine comme Djebe. Ce prestidigitateur commença, sur les braves Niuchi, qui n'en pouvaient mais, la série de ses terribles tours d'escamotage. Il avait devant lui deux armées rassemblées à la hâte, puis les défilés dans les contreforts des monts Qingan, puis le fleuve Yéol, puis la grande muraille. Tout fut emporté à la course. Les généraux n'avaient pas mis la frontière en état de défense. Lorsque les Mongols furent arrivés au mont Eiholing, Eiol, les deux commandants d'Aizin ne purent les défendre. Ils évacuèrent Fucheu. Les braves et robustes paysans mandchous voulaient se battre, demandaient des armes, offraient de marcher des premiers en avant. Faites avancer la milice de notre région, que ce soit le premier corps d'attaque. L'armée des généraux la suivra pour la soutenir. Les généraux perdaient la tête. Ils ne connaissaient même pas leur pays. À Yuanping, ils furent obligés de demander leur chemin. Djebe les tourna dans la nuit. Le général Daisin s'enfuit tout seul jusqu'à Wente et s'y enferma. Les Mongols s'emparèrent de la passe de Joyhol et arrivèrent devant la capitale du centre, Pékin. Dans cette effrayante débâcle, la nation Yuchi eut la puissance de se ressaisir. Après l'étourdissement des premières défaites, elle fut admirable de constance et de courage. Lorsque plus tard, si loin de leur pays, les Mongols attaquèrent l'Europe centrale, 2 mois, fin mars, moitié mai 1241, suffirent à Soubutaï pour briser toutes les forces militaires de la Pologne, de la Silésie, de la Moravie, de la Bohême, de la Hongrie, appuyées par l'Empire d'Allemagne. À ce même Soubutaï, à Djebe, à Moukouli et à tant d'autres, il fallut 24 années de guerre incessante, 1210-1234, pour venir à bout des Niuchi, implantés en Chine, luttant contre les gens de Ya, contre l'émeute et la jacquerie chinoise, contre la dynastie nationale de Song, contre leurs implacables ennemis du Liao, et 10 fois trahis dans cette tourmente par leur propre noblesse. C'était un grand seigneur de sang impérial, cet abominable traître Osao, qui attira le fidèle et loyal Tuscan dans un guet-apens, l'assassina, marcha sur la capitale. 500 hommes de la milice bourgeoise, des Chinois, combattirent pour l'empereur Mandchou et se firent tuer. Ce fut un chambellan, le duc Litz, qui égorgea son souverain. Au palais, il n'y eut qu'une femme qui montra du cœur. Elle tenait le sceau du trésor, ne voulait pas le livrer, se débattait en insultant les officiers du palais, les appelant lâches et ingrats. Sur l'ordre d'un sujet rebelle, voler le sceau de l'État, je mourrai, mais je ne le livrerai pas. Il sort de toute cette histoire une impression de loyauté, d'honneur populaire, de haute dignité nationale. Les Mongols ne s'y trompaient pas. Quand, après le désastre de Tianling, le dernier général mandchou survivant, tous les autres avaient refusé Cartier, fut amené devant le vainqueur. Ils ne lui proposèrent point de fléchir le genou, car ils savaient bien qu'il refuserait. Après la trahison de Osao, le nouveau souverain légitime, Yuan Song, continua la lutte, guerre âpre, sans relâche. Les Yuchi eurent encore de belles journées contre les gens de Ya, contre les Song et contre les habits rouges. Contre la froide tactique des habiles et tenaces mongols, ils furent constamment malheureux. En 1215, Yuan Song, c'est son nom chinois, le nom national est Oudougou, acceptait un traité par lequel il reconnaissait le protectorat des Mongols sur la Léao, gouverné par un prince Kara Kitai, auquel le Chinggis Khan donnait l'investiture, leur autorité directe sur une partie du Pechéli, sur le Shanxi et sur le Shenxi. Pour gage, il accordait sa sœur, fille de Wei Guan, en mariage à Temujin, et transportait sa capitale au nord du fleuve jaune, à Pianqing, le Kaifengfu de Marco Polo. Cette paix malencontreuse ne fut pas même une trêve. La nation ne voulut pas subir l'humiliation sous laquelle son roi coupait le front. Le cinquième mois, il annonça à tous ses sujets qu'il transportait sa résidence dans la capitale du Sud. Tout le monde, magistrats et peuple, le suppliait de ne rien faire. Le malheureux prince s'obstina. Alors, les patriotes du Nord se levèrent en masse, coururent sus aux fonctionnaires turcs et aux garnissaires mongols. Du premier coup, le Léao fut reconquis. Le protégé de Temujin, un prince de la maison de Yelu, culbuté, 20 villes reprises. Dans cette tourmente, on vit que Temujin était vraiment le Chinggis, l'inflexible, l'inébranlable. Sur le Léao et le Pechéli, directement sur Pékin, il lança Mukuli, avec Subutai pour flanqueur, Mingan pour avant-garde. En même temps, à l'autre extrémité, il prit les Qing à revers. Un de ses meilleurs généraux, Samuka, partant de Ningya, devait pénétrer au sud du coude du fleuve jaune et, par la province de Shenxi, attaquer les fameux défilés de Tongquan au confluent du Haut et du Grand Fleuve. C'est l'entrée du Honan, la vraie cuirasse de la Chine. Quand l'ennemi la perce à cet endroit, il fait une blessure mortelle. Le Chinggis Khan, de sa personne, se tenait au centre, en Chanli, prêt à porter secours à sa gauche, engagé en Pechéli, à sa droite, lancé en Shenxi, observant, gouvernant. Il n'était pas capitaine, elle le savait. L'empereur inflexible lui-même ne se mêlait pas de commander aux armées, qui étaient le rouage principal, mais un rouage dans l'énorme machine d'État qu'il avait construite et qu'il dirigeait. L'Empire a été fondé à cheval, mais on ne peut pas le gouverner à cheval, lui disait le grand chancelier Yelu Chuzai à Kitai de la maison impériale des Kitai du Léao. Aux généraux, gens de métier, il demandait des plans, discutait le projet avec son clair bon sens, donnait carte blanche quand il l'avait accepté. Jamais ce conquérant ne se mêla de gagner des batailles. Il lui suffisait de discerner ceux qui savaient les gagner. Le premier mois, l'armée de Ya, c'est le corps de Samuka, s'empara de Wancheu. Le général Pusan Daizin passa aux Mongols avec toute son armée. Le général Li Ying avait réuni les armées des deux provinces, de Hokkien et de Qingshang, pour secourir la capitale. À Pacheu, il but et s'élivra. En ce moment, les Mongols vinrent l'attaquer et mirent son armée en déroute. Li Ying et tous ses soldats furent massacrés. L'armée de secours des deux généraux, Qin Shihu et Yongxi, s'enfuit en désordre. Le cinquième mois, l'armée mongole prit la capitale du centre. Le général Zhong, qui la défendait, s'empoisonna. Deux autres furent tués par les soldats révoltés. Le dixième mois, les Mongols prirent le défilé de Tongquan. Buluo fut vaincu et tué. C'était un effondrement, 1216. Dans cette débâcle de l'ennemi, Subutai, n'ayant rien à faire au poste où il était, s'amusa, pour ne pas rester désœuvré, à conquérir la Corée. En 1217, le Chinggis Khan vit que tout marchait à souhait, que sa présence n'était plus nécessaire. il laissa en Chine, avec pouvoir civil et militaire, comme son lieutenant, le sûr et méthodique Mukuli, avec 33 000 hommes. L'empereur inflexible retournait à Karakorum. Pourquoi ne restait-il pas en Chine, puisqu'il était sûr d'y devenir le maître? Pourquoi laissait-il à un lieutenant le soin d'achever une conquête que, dans toute leur puissance, les rois turcs du VIe siècle, dont ils poursuivaient la tradition, dont ils revendiquaient l'héritage, n'avaient pas osé rêver? Cette conquête, à coup sûr, ils la méditaient, la préparaient, puisqu'en traitant avec Yuan Song, il avait pris bien soin de faire reconnaître à la princesse qu'on lui avait accordé en mariage le titre et le rang chinois de Wang Tai-Eu, reine par le pouvoir du ciel. C'était se faire déclarer apte à recueillir la succession des Qin dans le droit commun aux Yuchi, aux Turcs et aux Mongols. Les femmes transmettaient l'héritage. En partant pour l'ouest, le Genghis Khan savait bien que Mukuli ne lâcherait pas prise, que l'immense héritage sur lequel il mettait le séquestre lui reviendrait un jour, à lui ou à ses enfants. Conflit avec l'empire kharizmien. Le retentissement des victoires du Genghis Khan avait été prodigieux chez les Turcs de Transoxiane. La grandeur de Rome et celle du califat n'avaient pas effacé dans leur esprit les souvenirs d'une admiration presque superstitieuse pour cette Chine, modèle de toutes les splendeurs, type de tous les empires, qui avaient tant de fois ébloui ou dompté leurs ancêtres. D'abord, ils n'y croyaient pas trop. Les agents mongols n'arrivaient pas à les convaincre. Mehmed, le batailleur, pressait de questions l'ambassadeur que le Genghis Khan lui avait envoyé. C'était un Turc musulman, dévoué corps et âme à son maître, l'empereur païen des Mongols, fanatique de nationalisme. Il s'appelait Mahmoud Elvage. Un jour, Mehmed emmena Mahmoud Elvage à la chasse et lui dit « Je te fais une question, dis la vérité. Ton Khan, le pays de Chine, l'a-t-il conquis vraiment ?» Et il détacha de son bras un joyau d'un prix infini, en fit don à Mohamed Elvage. Le secret de l'entrevue, l'adjuration, le présent, tout trahit l'anxiété. Devant un Turc maître de la Chine, ces Turcs d'Occident sentent la partie perdue d'avance. Un homme ne désespéra jamais, ce fut Güçlüg. Il lutta jusqu'à la mort. Allié à Mehmed le batailleur, il était parvenu à détrôner son beau-père, le Kourkan. Il courut sus à ses anciens corps légionnaires, les chrétiens d'Amalik, les battit, coupa la tête à leur prince Ozar, le féal de Temujin, puis tomba sur les musulmans du Nanlu, sur les Oïghours de l'Hexapole, mit la main sur Kashgar, sur Kotel. Au nord, les derniers Merged accoururent à son appel. Sous la conduite d'un frère de Totka Begi, leurs braves se jetèrent sur la Pentapole, mirent à sac les Oïghours du Prélou, les hommes des Mongols. Puis, ne doutant plus de rien, ils attaquèrent les garnisons que le Genghis Khan avait laissées au commandement de son beau-frère, Tougatchar de Kungrad. Güçlüg était singulièrement mal informé. Au moment même où ces Merged prenaient une si audacieuse offensive, Djebe arrivait à Karakorum et Subutai l'y rejoignait, ramenant ses troupes de Corée par une jolie marche de 600 ou 700 lieues, une promenade pour ces gens-là. Derrière eux, l'empereur inflexible revenait en personne pour commander l'Ouest. Au nord, contre les Merged, c'était une affaire de vitesse. Subutai prit tout juste le temps de laisser souffler les chevaux, de changer ceux qui étaient fourbus, et repartit au galop. Au bord du dit fleuve Djem, il les surprit, combattit, vainquit, brisa. Ce fut l'an 613. 1216-1217. La nation merguèze était biffée, à Bulgazi. Puis ce fut le tour de Güçlüg. Le Genghis Khan chargea Djebe de le supprimer. Djebe avait sous ses ordres 20 000 hommes qu'il ramenait de Chine. À la première affaire, les vieilles bandes de Güçlüg, de braves et rudes gendarmes furent enfoncés, bousculés, sabrés par l'infaillible capitaine qui avait forcé la Grande Muraille de Chine et par ses impeccables manœuvriers. Bataille du Chou, 1217. La campagne politique était aussi sûrement combinée que le coup d'éclat militaire. Les avant-gardes mongoles ne chevauchaient pas encore sur territoire Karakitaï qu'un agent du Tchingis Khan, Ismaël, venait les rejoindre. C'était un Turc musulman des marches. Güçlüg en avait fait un conseiller intime. Il lui avait confié le gouvernement de deux bonnes villes qu'il livra d'abord aux Mongols. Ses agents précédèrent l'armée, annonçant partout la fin de l'oppression religieuse, répandant les proclamations de Djébé. Liberté pour toutes les croyances, plus de persécution, protection à tous les cultes, exemption de charges et de taxes pour les prêtres, les mollahs, les lamas. Ismaïl s'engageait devant les musulmans, les volontaires nestoriens accourus d'Al-Malik, les capitaines et les hommes d'armes kéraïtes, devant les chrétiens. Il y avait assez de chenapans tibétains dans les vieilles bandes de Djébé, traînant leurs lamas à leur suite pour convaincre les bouddhistes. Au nom de Christ, de Mohammed, de Manès, de Bouddha, de Dieu, du diable, les bonnes gens des six villes se soulevèrent contre Güçlüg l'impie, contre Güçlüg le tyran. Kashgar lui ferma ses portes, les ouvrit aux Mongols. Güçlüg ne put tenir nulle part, s'enfuit jusqu'en Badakhshan, sur les Pamirs, toit du monde. Djébé le serrait de près. Ce fut Ismaïl qui le rejoignit et lui coupa la tête. Maintenant, il ne restait plus un ennemi debout en face du Tchingis Khan. Depuis la Corée, jusqu'aux marches de Turkestan et de Tanzoxian, depuis l'extrême nord, vide d'hommes, jusqu'au Hoang, jusqu'au plateau désert du Tibet, et jusqu'au glacier de Kuen Lun. Fin de la section 85.